Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 24. Histoire de la robotique. Les questions soulevées, les questions politiques et philosophiques soulevées par la robotique sont de plusieurs ordres que nous allons subdiviser en deux catégories. D'une part, les questions touchant à notre conception de l'homme ou de la vie, questions dites éthiques ou fondamentales, et, d'autre part, les questions plus pratiques, plus politiques, sur des choix de société, les deux catégories étant bien entendu liées. On l'a vu, les questions fondamentales sont à la base même du concept mythologique de robot et portent sur l'interdit de créer la vie, le golem. Autrement dit, est-il choquant, et si oui pour qui et pour quoi, de parler de robot biologique ou d'intelligence artificielle suprahumaine? Les questions politiques sont liées à ces questions fondamentales, mais nous mènent à nous interroger sur l'espoir ou le désir de remplacer tout travail obligatoire par des machines, et sur celui d'intégrer des robots dans notre environnement immédiat en tant que partenaires sociaux avec lesquels nous allons interagir ou entretenir des relations de dépendance ou de complémentarité. Il faut reconnaître qu'il est bien difficile de trouver des réflexions de fond sur ces questions, tant parfois hors de la recherche, le tacite consensus anti-robot semble fort en Occident. C'est qu'au-delà de simples questions politiques, il en va de peur ou d'interdits très profonds. Fin de cette 24e partie, à bientôt, grosse bise numérique.